garde la flamme grâce à mes économies de bout de chandelle. Tu veux un truc frais, fous-toi dans le courant d'air. Chaud comme des frigidaires, nautique et suicidaire. Mais mec, sache qu'on est cool en fait. Et toujours en selle, trépide comme une jouvencelle. Sur le tympo, plein pot, dans le son depuis que je me suis emmêlé les pinceaux. Et pinko, comme d'hab, coupé des infos, des blèmes pros et intox. Alors, tu veux peut-être savoir ce que je prends des OGM, du réchauffement planétaire, des bandits nucléaires ou des prochaines électorales. Si y'a un truc éclair, c'est que j'y comprends que dalle. Prendre part aux positions serait fandard, mais plus que fantasque. Noyé entre lieux communs et fantasmes, pas beaucoup confiné dans un flou constitué d'un flux continuel. Rarement interloqué, pourquoi m'interroger? Je n'ai rien à rétorquer. Je ne suis qu'un corbeau entre vautours et perroquets. Battant de l'aile et croissant, je boule sous des croissants de lune. Désolé si j'ai perdu mes accents de lutte. Mais comment pourrais-je avoir la prétention d'avoir une quelconque opinion sur la récession économique, sur les questions écologiques, sur les incessantes effusion d'hémoglobine. Allez. Ok. Les paramètres sont si vastes, mes connaissances si vagues. Et je dois admettre que je zigzague avec la tête dans cirage. La curiosité laissée dans mon sillage. Je vais pas te faire de leçon, je laisse ça aux ignares. Je ne fais que de la musique et avance à petits pas. Je suis à la fois la fourmi et cette foutue cigale. Tu me diras, je n'ai qu'à me référer à ceux qui savent. Ok, mais comment connaître leur visage? Je ne suis pas exigeant, j'attends juste le meilleur. Je n'aime pas parler assez sain, je veux le seigneur. Vu que je n'ai jamais su auquel me vouer, boire leur la même tendance à me saouler. Combien disent nous comprendre, mais on l'air si peu sincère. Ceux qui tirent pas des faces de paix ont des sourires de sphincter. Fervente incrédule, une page blanche, ma sainte écriture. Ma vie une épopée plate, pour être honnête, dirigée par plus de force extérieure dans celle d'Homère. Et juste du sel de mer pour penser mes plaies, car penser c'est très rasoir. Dans le passé amateur, l'envie ne me retrouve pas. Mes CDD en la matière ne sont plus renouvelables. Et je pense avoir fait le tour de la question amplement. Vite j'ai oublié celle-ci entre temps. Enfin je m'entends bonne, cependant comme certains mon ignorance, je me cramponne la préférence aux illusions. Et je garde la flamme en perfusion.